Quelle joie d'étraper l'édifice et d'y traire, être bénéficiaire de ses promesses. Si la terre m'avait promis, j'aurais le sentiment. Dans le ciel m'avait promis la vie éternelle. Quelle joie d'étraper l'édifice et d'y traire, être bénéficiaire de ses promesses. Des cris de joie.